talk about my relationship. It's about my beloved. He's so special. Can I tell you what's happening in my life? I'm in love and I think I'm gonna get married. I'm sure you're thinking, ooh. Oh, this is so good to hear. Love is as strong as death. Many waters cannot quench it. True love is strong as death. The floods cannot drown it. Whatever God does, it shall be forever. Love is strong as death. It will be forever. Beloved is such a nice guy, so sweet, so gentle, and so kind. I can't believe God will give me someone so good. Whoa. I've never had so much love and attention. I'm sure you're thinking, ooh. This is so good to hear. Love is strong as death. Many waters cannot quench it. True love is strong as death. The floods cannot drown it. And whatever God does, it shall be forever. Love is strong as death. It will be forever. I want you all to pray for me. I hope my beloved will not change. I've heard many things about marriage. Whoa. Can such love turn into bitterness? And I am praying, ooh. May our love be strong as death. So many waters cannot quench it. May our love be strong as death. So the floods cannot drown it. For whatever God does, it shall be forever. Love is strong as death. It will be forever. So I've been praying about my relationship, and I'm sure you're praying about yours too. Oh, I'm having counseling, I'm soaking in the Word of God, I'm building a good foundation. Oh, may our love be strong as death, so many waters cannot quench it. May our love be strong as death, so the floods cannot drown it. And whatever God does, it shall be forever. Love is strong as death, it will be forever. May our love be strong as death, so it will be forever. May our love be strong as death, so it will be forever. Thank you. No, I don't want to miss my call to fulfill my ministry. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I'm responding to his love. I know what I must do. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I don't want to fail in my mission. I just want to do his will. My purpose is to serve the Lord with gladness and with joyfulness. In return, you will see such a big difference between those who serve the Lord. Woo-hoo. Ooh, ooh, ooh. And those who serve him not. Somebody said to me, you're wasting your time. When you go to church, you're wasting your life. You're missing all the fun you could have. How can you spend so much time in a church? Can't you find something better to do with your life? Church once a week, that's okay. But I love my Savior, I love my Jesus, that's why I serve him so. I don't wanna fail in my mission. I just wanna do his will. My purpose is to serve the Lord with gladness and with joyfulness. In return you will see such a big difference between those who serve the Lord. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. And those who serve him not. Ooh, ooh, ooh, ooh. Jesus is my first love. I love him with zeal. I love him with a passion. I love him with all of my heart. I love him with faith. I love him with strength. I love him when I'm young. I love him like I'm crazy. That's how I show my first love. Oh, I love my Savior. I love my Jesus. He is my first love. I don't wanna fail in my mission. I just wanna do his will. My purpose is to serve the Lord. Joyfulness. In return you will see such a big difference between those who serve the Lord. And those who serve him not. No, I don't want to miss my call to fulfill my ministry. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Purpose is to serve the Lord with gladness and with joyfulness. In return you will see such a big difference between those who serve the Lord. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. And those who serve him not. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Those who serve the Lord. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. And those who serve him not. was a Christian man attending church, and I believed I truly loved the Lord. But there was a day I went to church, and the preacher spoke to me. He said, Jesus says, if you love me, keep my word, my commands, listen to my voice. Jesus really needs to know, how deep is your love? Is your love, how deep is your love? He really needs to know that you're willing to surrender all of your life to his will and his command. That's the least that you can do. Da da da da da. Greater love hath no man than this, that a man should lay his life for you. Do you love the Lord like he loves you? Do you really want to do his will? What will you give in return for his love? Will you yield and obey, or just walk away? Jesus really needs to know, how deep is your love? Is your love, how deep is your love? He really needs to know that you're willing to surrender all of your life to his will and his command. That's the least that you can do. Da, da, da, da. One day Jesus turned to Peter and said, I want to know if you really love me. Simon Peter turned to him and said, oh my Lord, why do you even ask? 'Cause you know, dear Lord, how I love you. I will keep your command, I will feed your sheep. Jesus asking you the same, how deep is your love? Your love, how deep is your love? He really needs to know that you're willing to surrender all of your life to his will and his command. That's the least that you can do. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Hear his voice in your heart today. Do not harden your heart. Do not turn away. That's the only way you show how deep is your love. Your love, how deep is your love? He really needs to know that you're willing to surrender all of your life to his will and his command. That's the least that you can do. Da da da da da. Oh oh oh oh oh oh. Is your love, how deep is your love? He really needs to know that you're willing to surrender all of your life to his will and his command. That's the least that you can do. Da da da da da. that all things work together for good to them that love the Lord and to them who are the called. I have not seen nor ear heard, nor have it entered the heart of man, the things God has prepared for those who love Him. You must love the Lord, give Him all your heart. You must love the Lord because it's the greatest commandment, a child of God. You must love the Lord, give Him your very heart. You must love the Lord, my child, because He has set His love upon me. Therefore will I deliver Him. I've set Him on high because He has known my name. He shall call upon me, I'll answer Him. I'll be with Him in trouble. I'll deliver Him, I will honor Him. You must love the Lord, give Him all your heart. You must love the Lord because it's the greatest commandment, a child of God. You must love the Lord, give Him your very heart. You must love the Lord, and He's your God, He's your Creator, your Savior. He died for you when He really loves you. Oh, you must love the Lord, give Him all your heart. You must love the Lord because it's the greatest commandment, a child of God. You must love the Lord, give Him your very heart. You must love Him, oh, you must love Him, sweet Jesus. Give Him your very heart. With none like He'll satisfy you and show you His salvation. No, you must love the Lord. Hey, tell Him you love Him. Show that you love Him. You must love Him. Tell Him you love Him. Show that you love Him. Say that you love Him. You must love the Lord. Yeah. Tell Him you love Him. Show that you love Him. You must love the Lord. Yeah. Tell Him you love Him. Show that you love Him. You must love Him. Tell Him you love Him. Show that you love Him. Say that you love Him. You must love Him. Tell Him you love Him. Say that you love Him. Show that you love Him. You must love Him. Hallelujah. Hallelujah. Is it fantastic? Est-ce que c'est fantastique? Are you enjoying Ida's music? Est-ce que vous appréciez les chansons de Aïda? Do you want more of such wonderful music? Vous voulez encore plus? Did you love that song that she just sang? Est-ce que tell him you love him. Show him you love him. You must love the Lord. Dis-lui que tu l'aimes. Montre show que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Tell him that you love him. Dis-lui que tu l'aimes. It's the greatest commandment. C'est le commandement le plus grand. Aimer. There's nothing greater. Le plus grand commandement. To love the Lord. Aimer l'Éternel. Amen. Amen. Thanks, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. For your blessing. Pour ta bénédiction. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Now, why demons want to enter you? Maintenant. Pourquoi les démons veulent entrer en toi? Number one, demons want to enter you. Because when they are outside you, they are thirsty. Les démons veulent entrer en toi parce que quand ils sont dehors, ils ont soif. They are thirsty. Ils ont soif. Hey, hey. Matthew 12:43. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places. Dry, it's dry outside you. Quand un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par les lieux secs. Donc il est sec en dehors de toi. Dry. Sec. It's very dry when they are outside a human being. Et un démon est très sec quand il est dehors d'un être humain. As soon as they get into you, et dès qu'il entre en toi, their thirst is quenched. Leur soif maintenant est apaisée. That is why. Apaisée. That is why. C'est pourquoi. You must be very careful because a very thirsty person is not an easy person to hold back. Tu dois faire attention parce que quelqu'un qui a soif, très soif, tu ne peux pas le retirer de toi. And there are drinks in you. Et il y a des boissons en toi. There are drinks in you. Il y a des boissons en toi. Juices. Il y a des jus. Fluids. Les fluides. In you. En toi. Yes. Oui. Your blood. Ton sang. One of the drinks. C'est l'une des boissons. Your meat, your flesh, ta viande, has a lot of water in it. Ta viande, ta chair a beaucoup d'eau dedans. So as you are walking around, you are like ice water. Like, you are like a watermelon. You are a moving watermelon. Donc, alors que tu balades dans la ville, tu es comme un pastèque. Pastèque. Your blood, ton sang, your meat, the juices in your tissues, ta viande, so that's your flesh, le fluide dans les tissus, your vaginal mucus, le fluide de vagin. Yes. Le muqueuse vaginale. Your ejaculate. When you ejaculate, what comes? Quand tu éjacules, demons that are ready to drink all these things. Il y a des démons qui sont prêts à boire tout ce qui sort de l'éjaculation là. Hey! Hey! Your saliva. Le salive. All the juices. Tous les jus. As far as demons are concerned, you are a watermelon moving through the town. Tu es un pastèque. Every part of you brings water. Oui, par rapport aux démons, tu es pastèque. Parce que de toi vient beaucoup d'eau. Hey. One day, un jour, I was watching a film about lions and buffaloes. Je regardais un film sur les lions et les buffles. The buffaloes were resting and eating grass somewhere over there. Les buffles reposaient et ils mangeaient de gazon, des herbes quelque part là-bas. And the lions were at another side, and the lions were also resting and looking at the buffaloes. Les lions étaient à l'autre côté, ils se reposaient aussi et ils regardaient les buffles. Now the buffaloes, as the lions were watching, this is my lunch. My lunch is. Quand les lions regardaient les buffles, ils se disaient, voici mon déjeuner. What I need. Ce dont j'ai besoin. My lunch is eating lunch. Mon déjeuner est en train de déjeuner. Now listen. Maintenant écoutez. But God showed me a revelation. Dieu m'a montré une révélation. The buffaloes do not see themselves as lunch. Les buffles ne se voient pas comme un déjeuner pour les lions. For anybody. Pour n'importe qui. Or dinner. Même un dîner. They just see themselves as themselves. But what they don't know is that they are a marvelous. The lions were fixated. They were just looking. Écoutez, ils se voient comme. Everything they need is over tout there. Dont ils avaient besoin, les lions, étaient là, dans les buffles. If you like, you can go and watch it after. You can watch what regarder? Is it called? That particular one is called. There are a lot of ones like that. But this is called Relentless Enemies. Relentless Enemies. Ce film, le titre est Relentless Enemies. Tu peux aller regarder ça. So as we are moving around, demons, some are on the trees, some are all, they are looking as we are laughing and happy, they are just looking. Donc, alors qu'ils sont en train de balader, en train de rire, les démons sont sur les arbres, en train de nous regarder. I will never be thirsty again if I can go into this girl. Il y a un démon qui dit, je n'aurai plus soif si je rentre dans cette fille. I can drink some of her blood. Et si je peux seulement boire un peu de son sang. Wow. Dry places. Les endroits secs. It's outside you is dry. En dehors de toi. In you is everything. Quand il est en toi, il a tout. Number two. Numéro 2. Demons want to enter you because outside of you they don't have rest. All the chairs and sofas are in you. Les démons veulent entrer en toi parce qu'en dehors de toi, ils n'ont pas de repos parce que tous les chaises, les fauteuils, il n'y a pas en dehors de toi. Matthew 12:43. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest. Matthieu 12:43. La Bible dit, quand un démon sort de notre humain, il cherche des endroits parce qu'il n'a pas de repos. Once they are in you, they are relaxed. Quand ils sont en toi, ils sont relax. So as you pass by, donc alors que tu passes, a nightclub, une boîte de nuit, full of demons, remplie de démons, and people full of demons, des gens remplis de démons, and places full of evil spirits, les endroits remplis de mauvais esprits, they are just watching. Ils te regardent. Hey. Hey. Hey. Hey. And when they look into you, they can see beds. Mais, bang beds. Quand ils te voient, ils voient les lits, les fauteuils. Sitting room chairs. Avec les chaises de salon. Bible says the evil spirit does not find rest. La Bible dit l'esprit mauvais ne trouve pas de repos. And he's thirsty. Et il a soif. Third reason why demons want to enter you. Troisième raison pour laquelle il veut entrer en they toi. They want to enter you because they see you as a house. Il veut entrer en toi parce qu'il te voit comme une maison. They see you as a house. Il te voit comme une maison. Hey. Then he saith, Matthew 12:44, I will return into my house. Puis il dit, je retourne chez moi. Whence I came out. D'où je suis venu. And when he's come, he findeth it empty, swept and garnished. Et mais quand il vient, il voit l'endroit bien préparé. So demons see you as a house. Les démons te voient comme une maison. When demons are having discussions, quand les démons se discutent entre eux about renting houses, de comment louer une maison, about building houses, comment construire une maison, about buying houses, comment acheter des maisons, they are discussing you and me. C'est toi le sujet et moi le sujet de leur discussion. As where they would like to stay. Il décrit où ils aimeront rester. And sometimes they quarrel over you. Et des fois, ils se querellent à cause de toi. This one says, I'm going. He said, no, I said it first. L'un dit, je rentre dedans. L'autre dit, c'est moi qui avais dit la première fois que je veux rentrer dedans. Wow. Wow. When they are discussing where they are going to stay. Maintenant, quand ils sont en train de discuter où ils vont aller. As a house. Tu vois comme une maison. You see, when we are going to get married. Avant de se marier. Everybody sees the person differently. Tout le monde voit la personne différemment. A man may look at the woman as a source of his pleasure and rest. L'homme voit la femme comme la source de son plaisir. Pleasure and rest. Plaisir et repos. And comfort. Et aussi le confort. But the woman who is going to marry does not see herself as a source of pleasure and rest and comfort. Maintenant, la femme qui entre dans le mariage ne se voit pas comme une source de plaisir, repos et confort. Women, do you see yourself as I'm a source of pleasure, comfort? Les femmes, est-ce que vous voyez comme les sources de plaisir, repos et confort? One day, un jour, an old man, un vieillard, went and married a young girl. Est allé se marier à une jeune fille. And everybody was asking that, 23, 25, you have married this man who is 82. Et les gens se demandaient, une jeune fille de 25 ans s'est mariée à un homme de 82 ans. But you see, everybody is she was seeing him as a source of security. La fille voyait l'homme comme une source de sécurité. When I marry you, 82, you by 88 you will be dead. Si je me marie à toi, tu as 82 ans, 88 ans, tu seras déjà mort. And I can inherit all your money and I'll be rich. Et je vais avoir tous les héritages et je serai riche. Wow. Wow. So I'm trying to show you that even you are not a demon. But you look at somebody as this one can give this to me. Donc, je suis en train de vous montrer, même toi tu n'es pas démon, mais tu vois en quelqu'un quelque chose que tu veux. So as we go out of the hall and we are walking, happily walking, and there may be some demons all over the place who have been maybe in Mampong for years before we came. Donc, here. Quand nous sortons d'ici, en train d'aller dans nos chambres, il y a des démons peut-être dans Some les of arbres. Them are so excited, they are quiet and said, hey. Il y a des démons qui sont contents en vous voyant. Et look, look at a two-bedroom apartment moving this way. Two-bedroom. Et il dit, wow, regarde cette femme-là. Cette, parce que c'est une maison de deux chambres qui est en train de passer. Look at a three-bedroom, fully air-conditioned house going this way. Il dit, regardez, une maison de trois chambres climatisées. So what I'm saying, donc ce que je suis en train de dire, is not as fantastic, because you, even as a human being, you look at someone and say, you see, one day my wife went to somewhere, I don't jour, want to say where, and she was telling me they, she was listening to their discussion. Elle écoutait les discussions et mon épouse était allée quelque part. Where the others of ladies they were talking. Il y avait des dames et one of them said, yeah, une qui a dit, oh, my sisters, they are always have a lot of marital problems. Oh, mes soeurs, ils ont toujours des problèmes conjugaux. Because they marry out of love. Parce que pour eux, elle se marie à cause de l'amour. But I mean, I didn't marry for love. Mais moi, je ne me suis pas marié à cause de l'amour. I married for security. Je me suis marié pour la so sécurité. I don't have any problems. Donc, je n'ai pas de problème. I didn't marry out of love. Parce que je ne suis pas marié à cause de l'amour. Yeah. Oui. She said her sisters they're always having problems. She doesn't have problems. She didn't marry out of love. She married. Elle a dit ses sœurs ont, beaucoup de problèmes dans leur mariage parce qu'ils sont mariés à cause d'amour. So as she was going into the marriage, she sees the man as a source of something. Donc, quand elle rentrait dans le mariage, elle voyait l'homme comme la source de sa sécurité. That's how we all are. Nous sommes tous comme ça. And I tell you, je te dis, every country, every territory on earth is inhabited by devils. Les as soon as you arrive, it flashes in the newspapers of the demon realm. Dans tous les pays, dans tous les territoires, il y a des démons. 17 three-bedroom apartments. Dès que tu rentres dans un pays, ça apparaît dans les journaux démoniaques que une maison, 17 maisons de trois chambres vient d'arriver dans le pays. À la une. The spirits that are in Abidjan. Les esprits qui sont à Abidjan. And the spirits that are in Côte d'Ivoire. Les esprits en Côte d'Ivoire. When you move there. Quand tu arrives là-bas. If you go to school there. Si tu pars à l'école. They are waiting. Ils sont en train de t'attendre là-bas. As soon as you arrive, say, ah, here is a mansion with a swimming pool. Dès que tu arrives à la une, et une villa avec une piscine est arrivée. He says, I shall go back to my house. Il a dit, je retourne dans ma maison. I shall go back to my house. Je retourne dans ma maison. Oui. That is why you must learn how to block all entry of demons. Tu dois apprendre à bloquer toutes les entrées des démons. And the last reason why demons want to enter is because they want to have fellowship with fellow demons and form a demon gang in your house. La dernière raison c'est parce que les démons a meeting place. Les démons aussi veulent la communion. Ils veulent former une communauté de démons pour avoir des réunions. En toi. Then he goeth and taketh, verse Matthew 12, verse 45. he goeth and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they together enter in and dwell together. Matthieu 12, 45 dit, alors il va et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entrés, ils habitent là. And the last state of that man is worse. Et la dernière condition de cet homme-là est pire. Seven spirits. Sept esprits. Sept. Each bedroom. Two. Chaque chambre. Two, deux. Two and one in the boys' quarters. Deux démons par chambre et puis un à l'extérieur de la chambre, dans la cour. Boyerie, dans la boyerie. How you can prevent demon entry? Comment éviter l'entrée des démons? Guard all the holes in your body. Il faut veiller sur tous les trous de ton corps. Guard all the holes in your body. Il faut veiller sur tous les trous de ton corps. There are six holes in your body. Il y a six trous de ton corps. There are six holes in your body. Il y a six. Number one, dans ton corps. Your ears. Tes oreilles. The first hole. Premier trou. Hey. What comes through your ears? Ce qui vient de tes oreilles. What you hear. Ce que tu entends. Lot of evil spirits come to you through what you hear. Beaucoup d'esprits mauvais entrent en toi à travers ce que tu entends. That is why the Bible says in Mark 4:24. Mark 4:24. And he said unto them, take heed what you hear. Mark 4:24. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez. Through what you hear, à travers ce que tu entends, evil spirits enter into your life. Les esprits mauvais entrent dans ta vie. The serpent got access to Eve when he spoke to her. Le serpent a eu accès à Ève quand il parlait à elle. That is it. C'est ça. So the music you listen to. Donc, la musique que tu entends. Some of you. Il y a certaines personnes. When Ida sings a song, it's like you can remember certain things that. Certaines personnes, quand LB Ida chante certaines chansons, tu te souviens de certaines choses. Now, what you don't realize is that those songs were used by Satan to charm you. Mais tu dois savoir que ces chansons là étaient utilisées par Satan pour te charmer. And they were used to give you a feeling of love. Et il a utilisé ces chansons pour te donner des sentiments d'amour. Rouge. Oh. Oh. Give yourself. Donne-toi même. Donne-toi. Hey. Hey. The songs were played to encourage you. Les chansons étaient jouées pour t'encourager. And it worked. Et ça a marché. When the music is on. Quand la musique joue. And your clothes are dropping to the ground. Et tes habits commencent à descendre. Thank you. Yes. Oui. But if you listen, mais quand tu en écoutes, now, maintenant, you realize that it's having a different effect on you. Tu vois que la même chanson a un effet différent sur toi. A different effect. Un effet différent sur toi. It's making you love the Lord. Ça te fait aimer le Seigneur. Making you serve the Lord. Ça te fait servir le Seigneur. Because a different thing is entering your ear. Parce que quelque chose de différent entre dans tes oreilles. So all of Ida's beautiful music, we are waiting to see the French versions with beautiful singers. Donc, beautiful singers. Maintenant, nous attendons toutes les chansons de Ida en français avec des belles chansons. Oui. Oh yes. Ah oui. Oh yes. Mais oui. Oh yes. Ah oui. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Mais oui. Oh yes. Ah oui. Oh yes. Oui. Merci. Hi James in French. Hi James en français. How do you say hi James in French? Salut Jacques. Salut Jacques. Salut Jacques. Jacques, oui. Salut Jacques. Yes. Salut Jacques. Oui. Salut Jacques. That is why, c'est pourquoi, in 2 Corinthians chapter 10, de Corinthiens verse 4, chapitre 10, it says, verset 4, la Bible dit, the weapons of our warfare, les armes de notre guerre, mighty sont through God, pulling down strongholds and casting down imaginations. Les armes de notre guerre sont puissantes, terrasser les forteresses et aussi les imaginations. Hey, hey. The next door is the door of your eye. That is the holes in your body. Les trous dans ton corps. The entry points. Les points d'entrée suivants, c'est tes yeux. What are the holes in your body? Quels sont les trous dans ton corps? Yeah. Oui, les oreilles. Yeah. Ici. Huh? Ici. Hein? Where something goes in. Là où quelque chose entre dans ton corps. So you got to watch. That's why podcasts. We have started a French podcast. C'est pourquoi nous avons commencé le podcast en français. And soon you are going to see Jésus qui guérit TV. Oh! Bientôt. Vous allez regarder la télévision Jésus qui guérit. Is it fantastic? Est-ce que c'est fantastique? Oh, your French fantastic is not as long as it should be. Is it fantastic? Okay. Maintenant, en français, ça doit être plus long. Est-ce que t'es fantastique? C'est fantastique! Francophone, you have to make the anglophone jealous. Le francophone. Vous devrez rendre les anglophones jaloux de vous. Amen. Amen. Now. Maintenant. The next door, the eye. La porte prochaine, ce sont les yeux. Luke 11:33. The light of the body is the eye. La lumière du corps est l'œil. When the eye is single, the whole body is full of light. But when thine eye is evil, the whole body is full of darkness. L'œil un, il y a dans la lumière. Quand l'œil est mal, le corps est rempli de ténèbres. It is known that the films that we are watching are bringing so many evil things into the world. Il est connu, c'est un fait, que les films nous regardons nous amènent beaucoup de choses. When you watch, what do they call this film? These soap operas. You have it in French. Quand vous regardez les télénovelas, do you have it in Benin? Oui. Les feuilletons. Telenovela. Oui. What is telenovela? Les feuilletons. Soap operas. Les feuilletons. It teaches you how to cheat, how to have affairs, how to be mixed up in relationships. Ces feuilletons nous apprennent comment tricher dans le mariage, comment entrer dans des affaires, comment mélanger des choses dans les relations. When you watch Nigerian movies, quand tu regardes les films nigériens, it teaches you what? How to deceive? Comment tromper? Witchcraft, la sorcellerie, arm robbery, la braquerie, le braquage. Hey, hey. When one day a murderer who killed some people was arrested. Un jour, un meurtre qui avait tué certaines personnes était arrêté. And they found that he had just finished watching films where they were killing people. Et and that is where he saw it, how to kill. Et ils ont constaté qu'il a tué les gens juste après avoir regardé un film. Eye, à travers les yeux, spirits are entering. Les esprits entrent en nous. Pornography. La pornographie. So many spirits. Beaucoup d'esprits entering your life entrent dans ta vie à travers la pornographie. Sometimes spirit of I cannot marry. Des fois l'esprit de je ne peux pas me marier. Yeah, because what they are doing in the film is not normal. Parce que ce qu'ils font nothing dans le film, is normal. Rien n'est normal dans le film. None of the things are normal. Il y a rien dans ce film qui est normal. Yes. Oui. None of the things are normal. Rien dans ce film est normal. Yes. Oui. I once watched a Japanese a BBC documentary. They went to Japan to make a documentary about how Japanese university students were doing pornography as a holiday vacation job. Et je regardais un documentaire de BBC sur comment les étudiants japonais ils faisaient des boulots en dehors de leurs études comme les gens qui font des pornographies. And they were using it to raise money to help to pay their school fees. Et ils sont rentrés en ça pour avoir l'argent pour payer les scolarités. It's not a small thing. The number of cameras and the number of people. Le nombre de caméras. For one thing that is being filmed. So many people. Quand tu regardes le montage. With a lot of lights. Avec beaucoup de monde, de lumière. In one place. À un seul endroit. Directors. Avec des directeurs. It's not a small. C'est pas de blague. Watching, directing, filming, rip cuts, do again, do. It's not a small thing. En train de filmer, à un moment donné, on dit arrête, il faut recommencer et autre chose. You feel, and they go for trials. Et ils font aussi des. They go for trials. Ils font l'essai, les interviews. Essais, les interviews. Interviews. Les entretiens. Trials. Et les essais. They have the right bodies and parts, and then whether they can do it. They have trials. Ils font des essais pour voir si. If they are successful. Les to corps, do one. Et puis les corps et one. Tout. Ils font un. Very. Very difficult. Très difficile pour faire un. Nothing is natural. Rien est naturel. Anybody you see laughing, quand tu vois not laughing. Quand tu vois quelqu'un rire comme ça, ce n'est pas vrai. Any woman you see smiling is not smiling. Quand tu vois une femme en train de sourire dans les pornographies, ce n'est pas vrai. There are so many lights. Parce qu'il y a des lumières. Umbrellas, lights, cameras. Holding, cut, play, start, restart. Les caméras et les parapluies tout sont en train de faire des montages. Ils commencent, on dit il faut arrêter, il faut commencer encore, il faut sourire un peu, toutes ces choses. But it affects you when you watch it. Mais ça va t'affecter quand tu regardes. One day, un jour, a certain brother was marrying a certain sister. Un certain frère se mariait à une certaine sœur. The brother was a virgin. Le frère était vierge. He has not had sex before. Il n'a jamais eu le rapport sexuel. But the sister was experienced. Mais she la sœur been in town. La sœur avait des expériences parce qu'elle avait traversé la ville. So, alors, the day before they well, not the day, I don't know the day, but before they got married, I called them. I was counseling. Avant de se marier, je les avais appelés afin de les conseiller. I said, brother. J'ai dit, frère. You are getting married. Tu te maries. This lady knows everything. Elle connaît tout. Different people have trained her. Les différents hommes l'ont formée. Hey! Hey! Acrobatics. Les acrobaties. Gymnastics. Les gymnastiques. Aerobics. Les aérobics. Press ups. Même les pompes. So, alors, I asked him, are you not intimidated? Je lui ai demandé, est-ce que tu n'es pas intimidé? He said, at all. Il a dit, pas du tout intimidé. And I said, why are you not intimidated? Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas intimidé? He said, the amount of pornography I have watched. Il a dit, la somme de pornographie que j'ai regardé là, la quantité de pornographie que j'ai regardé, he said, when I enter the marriage, when I enter the marriage chamber, il dit quand je rentre, he said, I will teach her what to do. Et il dit quand je rentre dans la chambre pendant la lune de miel, c'est moi plutôt qui va l'enseigner ce qu'elle doit faire. So, you see that when he said that, donc, I realized that what he has watched, it has affected him. Donc quand il avait dit ça, je me suis rendu compte que ce qu'il a regardé. Il dit, je n'ai pas peur. Are you not worried that when you marry those guys, now the girl is now going to be showing you she at all? Est-ce que tu n'as pas peur que cette fille ait l'expérience si tu te maries? Elle dit non, pas du tout. He has been trained. Parce qu'il a été formé à par ses yeux. Evening classes. Le cours du soir. From today, à partir d'aujourd'hui, you see, one day, écoutez, un jour, at that time I was staying in London, j'habitais à Londres, and there were so many bad people in London. Et il y avait des mauvaises personnes à Londres à cette époque, doing sexual things everywhere. Et il faisait des choses sexicales partout. Des choses sexicales. C'est un mot. Quiet, otherwise I'll stop preaching. Taisez-vous, sinon je vais m'arrêter de prêcher. So, alors, when I sit on the bus, quand je serai dans le bus, these people are kissing. Les gens sont en train de s'embrasser. These people are doing smooching. Sont en train de se caresser. I realized it was affecting me. Je me suis rendu compte que ça m'affectait. Because I was always on the bus, j'étais on the train, tout le temps sur le train. Those days, dans cette époque-là, about almost 40 years ago. Ça fait déjà 40 ans. 30 years, 30 some years. 40, yeah. 30 ans, 30 ans. So one day, un jour, I took a decision. J'ai pris une décision. I decided to buy dark glasses. J'ai décidé d'acheter les lunettes de soleil. So that I don't see clearly. Afin que je ne vois pas clairement. And I will not see what the people are doing. De ne pas voir ce que les gens sont en train de faire. So you see me in the night with my dark glasses. Donc pendant la nuit, je porte soleil, je porte lunettes de soleil. Wear the glasses. Je porte lunettes de soleil. I was protecting my eyes. Parce que je protégeais les yeux. From today. À partir d'aujourd'hui. Whatever bad films are coming your way. Les mauvais films qui viennent à toi. They are cut off from today in the name of Jesus. Ils sont coupés de toi au nom de Jésus-Christ. Do not allow your eyes to see certain things again. Ne laisse pas tes yeux à regarder et voir certaines choses à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. A thought can never enter your mind unless it enters through your eye or your ears. Une pensée ne peut pas entrer même dans ta tête sauf que ça passe par les oreilles ou bien les yeux. How many have watched pornography before? Combien ont regardé la pornographie? Do you know that 60% of internet, 60%, est-ce que vous savez que all internet traffic is pornography only? Est-ce que vous savez que 60% de l'internet, ce que les gens font sur l'internet, 60% c'est la pornographie? You are delivered from today. Tu es délivré à partir d'aujourd'hui. How many holes have we done? Only two. Nous avons which other hole is there on your head? A mouth. La bouche. Almost every disease comes through your mouth. Presque toute maladie nous vient à travers la bouche. Yeah. Oui. Death is not just an event, but a person. La mort n'est pas un événement, mais une personne. Amen. Amen. In Revelation 6, verse 8, it says, I saw a pale horse, and his name that sat on the horse was Death, and hell followed him. Apocalypse 6, 8 dit, et je vis, voici un cheval livide, et le nom de celui qui était assis au-dessus est la mort, et les Hadès suivaient avec lui. Hadès. When you eat what you shouldn't eat, quand tu manges ce que tu ne dois pas manger, death, la mort, overweight, surpoids, almost every disease, presque toute maladie linked to weight, est liée au poids. Even recently, même récemment, cancer, le cancer of the prostate, prostate, cancer of the breast, cancer des seins, they said that 60%, ils ont dit 60% can be cut off by weight loss only. Ils ont dit on peut réduire tous ces cancers quand on perd du poids. 60%. Recently they said all processed meat, any meat that passes through a tin, sausages, bacon, all are known to cause cancer. Récemment, ils ont dit tous les viandes canées en boîte, les saucisses, des saucissons, tous, ça, ce sont des choses qui amènent les cancers. Yeah. Oui. Cassoulet. Yeah. Oui. Merci. La miséricorde. And beef. Also. Aussi, le corned beef. Red corned meat. La viande rouge. A lot of things. Beaucoup de choses. But you see, it all comes from entering your mouth. Et toutes ces choses. That is why Jesus said, Jesus, he gave thanks before he ate. C'est pourquoi Jésus-Christ a rendu grâce avant de manger. You pray. Il a prié. Over anything that is going into your sur mouth. Tout ce qui entre dans ta bouche. It is sanctified. Ça doit être sanctifié. By your prayer. Par ta prière. Hallelujah. Hallelujah. So your mouth, you have to watch your mouth. Water, Ebola virus, many things, all passing through the mouth. The next hole is the nose. Et tu dois faire attention parce que les virus d'Ebola, tout ça passe par la bouche. All airborne diseases. Toutes les maladies qui viennent par l'air. Which are demons. Is sickness is oppression of the demons. Les maladies sont les oppressions des démons. So demons entering through your, because they are trying to come into your body. Parce que ils veulent entrer dans ton corps, les démons. Tuberculosis. Tuberculose. Flu fever. La grippe, la fièvre. Yes. Oui. They are all through demons. Ce sont des démons. The next hole, any other holes left in the body? Est-ce qu'il y a d'autres trous dans le corps? Where? En bas. En bas là-bas. The front one. What comes in the front one? Ce qui vient devant ici. It's a hole. C'est un trou where demons enter. Où les démons entrent. So you may think that it is a penis that is entering you, but you see that spirits are entering. In Revelation chapter 18. Tu vas penser que c'est un pénis qui te pénètre. Revelation 18. Regarde quelque chose, Apocalypse 18. Verse 2. It says, verset 2, Babylon the great has fallen and become the house or habitation of devils and the hold of every foul spirit because all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. Because. La Bible dit, because of the fornication, the demons have entered. À cause de la fornication, les démons sont entrés. So demons enter into people. Donc, les démons fornication entrent dans les gens à travers direct la fornication. Yeah. Oui. So a lot of sometimes you see a lady, she looks attractive to you, but actually it is the demons that are dancing in the flesh like that. Des fois, tu vois une sœur, elle t'attire beaucoup. Ce sont les démons qui sont en train de danser dans sa chair. Dans sa, what? Dans sa chair. Dans sa chair. Yes. Did I hear? De danser. Dancing in the flesh. Sentez danser dans sa chair. One day, un jour, there was a young girl who had about 34 demons in her. Il y avait une jeune fille qui avait 34 démons en elle. Je me souviens pas des noms, mais then, c'était ça. We were praying for her and suddenly the demons decided to come out because it was too hot. Parce que on priait pour elle, les démons décidaient de sortir parce qu'il faisait chaud. As they were coming out, this was saying, my name is this, then it will go. Alors qu'ils sortaient, so, elle dit, je m'appelle impatience, then it will go. Je m'appelle l'impatient, ça sort. Procrastination. La procrastination. Then it will go. Then I said, how many are you now? Then, we are 24. J'ai dit, vous êtes combien maintenant? How many are 24. How many are 22? 22. Vous êtes combien? Each time one came, just mention the name. Alors qu'il sortait, ça diminuait, il mentionnait les noms. Hatred, then it goes. La haine, ça sort. Quarreling. Quereller, ça sort. Like, until they were getting to less than 10, they were maintenant, coming. Maintenant, ça devient moins de 10. Yeah. Oui. Then suddenly, soudainement, do you know which spirit came out? Vous savez quel esprit est sorti? Last. La convoitise. As soon as she said last, elle a dit convoitise. I tell you, I cannot lie to je you. Ne veux pas vous mentir. She suddenly became very sexually attractive. Elle est devenue soudainement sexuellement attirante. Because that spirit was now coming out of her. Parce que c'était cet esprit maintenant qui sortait d'elle. Practically. De manière pratique. Then it came out. Et puis c'est sorti. Then, and she became different. Yeah. Elle est devenue différente. Like that, up to the end. Comme ça jusqu'à la fin. That is the strongest power that I've seen. The next day, I had from my top to my foot, my whole right side and right leg, like as if I've had an electric shock through my body. My whole hand was on this side. C'était la puissance la plus forte que j'avais parce que le lendemain, tout le côté droit, c'était comme si j'ai été électrocuté. I remember that because when I was in Manila last week, parce que quand j'étais I felt something similar. Quand j'étais en Manille la semaine passée, j'ai vu la même chose Manila. Because I laid hands on a lot of people. J'ai imposé ma main sur beaucoup de personnes. I was ministering to a lot of demon possessed people. J'administrais la puissance à beaucoup de personnes qui étaient possédées. A lot of spirits enter people. Beaucoup d'esprits entrent dans les gens. Now, if you are a brother, si tu es un frère, sometimes you see that you are following somebody. Des fois, tu suis quelqu'un. Everybody looks at you and said, "What is wrong with you?" Les gens te regardent et disent, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Yeah. It's a spirit. C'est un esprit. The person is full of. Demons. La personne est remplie de démons. And it comes from sex. Et ça vient de rapports sexuels. That's why that spirit keep moving within the francophone, you see. Les esprits bougent beaucoup dans la francophonie. Congolese who sleep with Côte d'Ivoirien, Ivorian, and sleep with Gabonese. Congolais couche avec Ivoirien. Sleep with Togolese. Togolais couche sleep with avec. Mix up always. Ce sont des mélanges, des mélanges. You see. Tu vois. Meanwhile, she's not beautiful too. Et she's aussi, not really beautiful. Elle n'est pas belle aussi. But she's pulling you. Mais she's elle t'attire. She's pulling you. Elle t'attire. She's pulling you. Elle te tire vers elle. She's not even a beautiful person. Elle n'est même pas jolie et belle. Yeah. It's not even a beautiful person, but she's elle n'est pas une personne belle, mais some of you girls, you say, when I stand on the road, a car stops to pick me always. Il y a certaines filles, chaque fois que je suis au bord de la rue, il y a des voitures qui m'arrêtent pour me prendre. It's the spirits that are in you. C'est les esprits qui sont en toi. That's been stopping these BMWs to pick you on c'est the way. Cet esprit qui arrête les BMW. And you are happy that demons are in you. Et tu es contente. Tu es contente que les démons sont en toi. From today, à partir d'aujourd'hui, whatever demon came into you through fornication is going out. À partir d'aujourd'hui, tout esprit qui est entré en toi à travers la fornication sort maintenant. Amen. Amen. You will never be an accommodation an apartment for demons again. Tu ne seras plus un hébergement pour les démons à partir d'aujourd'hui. How many holes do you have? Nous avons combien de trous maintenant? Is there any other hole left? Est-ce que ça reste encore? Derrière. Enos. L'anus. Shh. Holy. When you play with your anus, si tu t'amuses avec ton anus, you can become a homosexual. Tu peux devenir homosexuel. And when you do, et quand tu fais cela, it's very strong. C'est très fort. If you ever talk to somebody who is suffering from that problem, si tu parles à quelqu'un qui souffre de ce problème, you are a pastor, tu es pasteur, you will have compassion. Tu auras la compassion. Yeah. Oui. Because when a man has beautiful ladies, quand un homme a des filles, des belles filles, stand up these three beautiful ladies. Les trois belles filles, levez-vous s'il vous plaît. Wow. Now, maintenant, let's say, disons, brother, un frère, Armstrong, stand up. Lève-toi. Stand here. No, wait, no, stand here. Tiens-toi ici. Now, maintenant, God says to you, Dieu te dit, I'm giving you something beautiful. Je te donne quelque chose de belle, quelque chose. And I say, et je te dis, which one of these wonderful beauties quel do you want? Parmi ces beautés merveilles, ce que tu then veux? He signals to me and say, et il me dit, I said what? Je dis quoi? I want to tell you something. J'aimerais te dire quelque chose. And I go to him and say, et je dis, hein, qu'est-ce que tu veux dire? And he says he et wants il dit, this man here. Il dit, il désire stand cet up, homme-là. Lève-toi. Stand here. Viens ici. Stand up. Tiens-toi ici. It says, il dit, no, three ladies come. Non, les trois dames, venez, venez. Stand here. Venez vous tenir ici. Stand here, up here. One, ici. Two, three. Ici. And et he's a man. Il est un homme. And he says, et il dit, I don't like this one. Je n'aime pas cette dame là. I don't like this je one. Je n'aime pas cette dame. I want this one. Je désire lui là. Too much. C'est trop. Is it not a problem? Est-ce que c'est pas un problème? C'est un problème si sérieux. And you will see that as a pastor. Et tu vas voir en tant que pasteur. Look at this man. Tu regardes l'homme, tu dis, hey, hey, you don't like this one? Tu n'aimes pas celle-là? You don't like this one? Tu n'aimes pas celle-là? No. Non. You don't like this tu one? N'aimes pas celle-là aussi? No. Non. You... Celui-là. It's too much. C'est trop. But there are people. En fait, il y a des gens. I tell you. Je te dis. They don't like women. Il n'aime pas les femmes. Oui. They don't want them. Ils ne les veulent pas. You can smile 1,000 years. I don't like you. Tu peux sourire 1,000 ans. Je ne t'aime pas. You see, all brothers. Tous les frères. If you have not been affected by that thing. You look and you say, I don't understand you. Si tu n'as pas été affecté par ça, tu vas dire, but je ne te comprends when pas. They have been affected, mais quand ils ont été affectés, as a child, en tant qu'enfant, I tell you, je te dis, There are pastors. One time I was talking to one pastor. He said, look, that is what it attracts me. He said, I fight it. Une fois, je parlais à un pasteur, il me disait que I hate it. I don't want it. Je n'aime pas. Je me combats. Instead of a girl, I like a boy. Because somebody, when he was young, played this role. Il dit, au lieu de ma femme, j'aime un homme. Et c'est parce que j'étais un enfant, quelqu'un jouait avec moi là-bas. You see, now sometimes people have children, they have little girls. They say, oh, I don't want a boy to look after the girl. But now, when you have a boy, and somebody look after the boy, and plays whatever, you see that they grow up, and then they want a man. Maintenant, quand tu es un enfant et puis quelqu'un joue avec cet enfant comme ça, il grandit et il désire avoir un homme. I know pastors, I tell you. Je connais des pasteurs. They are struggling. Ils luttent. Pastors. Des pasteurs. They'll cry. Ils pleurent. Je n'aime pas cette vie. You don't like. You show them. But this is once a pastor, I told myself, this girl is nice. Une fois, j'ai dit à une pasteur, cette soeur, elle est belle. I have to train myself to see that it's nice. Et il dit, je dois me former pour voir qu'elle est belle. Sinon, it's not natural. Ce n'est pas naturel. It's a problem. C'est un problème. And you see, when it doesn't make logic, mais quand ça ne fait pas de logique, you see the presence of evil spirits. Tu vois la présence des démons. Because no animal does that. Dogs, cats, les chiens, leopard, les chats, lion, les lions, zebra, horse, no les zèbres. Goes for a male horse. Il n'y a pas de cheval mâle qui cherche un autre cheval mâle. In nature, no animal. Dans la nature, ça n'existe pas dans le royaume des animaux. So now they make it a law. You cannot say like what I'm saying. You cannot say if you say it in Europe, then you go into a problem. Maintenant, c'est une loi. Ce que je suis en train de dire, je ne peux pas dire ça en Europe. C'est contre la loi. Yeah. Oui. So all of us here, tout le monde who ici, have had such playing with your anus, qui a eu quelqu'un because qui a, you are laughing, but some people here have nous, had nous sommes this. En train de rire, mais you certaines personnes ici, you must never accept in your mind that I'm not a male to like female. As soon as you accept in your mind, it's gone. Il y a certaines personnes ici. You have to accept that it's a problem. I don't. N'accepte pas que c'est normal. Dis à toi-même que ce n'est pas normal. C'est un problème. Amen. Amen. What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? The unreasonable nature of it shows you the demonic nature of it. La nature irraisonnable des hommes. Ça sert. From today. À partir d'aujourd'hui. Every homosexual spirit, tout esprit de homosexuel in you en is toi, bound in the name of Jesus Christ. Est lié au nom de Jésus Christ. I had once a singer. J'avais un chanteur. Beautiful singer. Un chanteur très beau. One of the best I've ever had. Un des meilleurs chanteurs j'ai eu. The last I heard of him, he was married to a man. La prochaine fois, on m'avait dit qu'il s'est marié à un homme. Many Christians. So you say, can a Christian be a homosexual? Tu peux te demander, est-ce qu'un chrétien peut être homosexuel? A Christian. Un chrétien. Can have an evil spirit. Un chrétien peut avoir un Many mauvais Christians esprit. Have evil spirit in different aspects. Beaucoup de chrétiens ont des mauvais esprits dans différents aspects. A certain man, he married his wife. When his children reached the last, there were four children. When the last one was 18, as soon as he was 18, and he said, look, I finish. And he left in the church. He left his wife and married a man instead. Un certain homme avec quatre enfants, dès que le dernier a quitté la maison, il a dit, ça va maintenant, je suis fatigué. Il se marié à un homme. Il était dans l'église. Dans une église. I've met several pastors and pastor shepherds with this problem. J'ai rencontré not one, plusieurs pasteurs bergers qui ont ce problème. Pas un, plusieurs. You are free from it today. Tu es libéré de ces choses aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Don't believe the Europeans. Oh. Ne crois pas dans les Européens, les Américains. They are sick. Ils sont malades. They are sick. Ils sont malades. Oui. They are sick. Ils sont malades. It's nonsense. C'est ça de n'importe Don't quoi. Accept nonsense. Il faut pas accepter de n'importe quoi. The fact that a person is a white man doesn't mean that he's right. Le fait que la personne est un blanc, ça ne dit pas qu'il a raison. You see American president going around forcing African nations to accept people to marry. Why don't they go and force Arab nations where they are doing all the oil? Why don't they go and tu force? Vois les présidents américains, ils sont en train de balader, se baladent en train de encourager les pays africains de laisser les hommes se marier aux hommes. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça dans les pays arabes? And they want to force financially weak nations. Ils cherchent des pays avec des faiblesses financières. Pour accepter what they are practicing. Ce qu'ils pratiquent. Nobody hates them. We are praying for them. We have pastors. Écoutez, nous avons des pasteurs, les membres qui ont de ces problèmes. And we are praying for them. Ils sont en train de prier pour eux. Nobody hates anybody. Yeah, parce qu'on ne déteste personne. Non. Don't accept demonic things. N'accepte pas des choses démoniaques. And lesbianism as well. Woman lesbianisme aussi, ça fait partie. Oh. It's all in the church. C'est dans l'église. Amen. Amen. In fact, when somebody has this problem, you wish he has rather a problem with fornication. It's like, oh, en fait, I wish you would even fornicate, it's better. En fait, quand quelqu'un a ce problème, tu souhaites que la personne avait un problème de fornication plus que ça. C'est mieux. It's a smaller demon. C'est un tout petit démon. Would you rather have a cat in your house or a leopard? Tu aimerais avoir un chat dans ta maison ou bien un léopard? Un chat. Uh-huh. And cats can be wild when you are trying to catch them. Les chats peuvent être sauvages quand tu essaies de les attraper. But I think it's better than if there was a leopard outside here. Mais c'est mieux d'avoir un léopard dehors. The cat is the fornication and the leopard is the homosexuality. Le chat c'est la fornication, le léopard c'est la homosexualité. You know why? Tu sais pourquoi? Fornication doesn't destroy the society. La fornication ne détruit pas la société. Homosexuality destroys the society. L'homosexualité détruit la société. Husband, wife, families, Marie, whatever. It doesn't have that effect to that extent. Marie, épouse, les enfants, ça n'a pas cet effet sur la famille comme ça. Amen. Amen. Are you happy that a man wants to sleep with you? Est-ce que I am very angry. He's very angry. Est-ce que tu es content que un homme te désire? Il dit il est très en colère. If you are a man, si tu es un homme, and a man comes to you, un homme vient à toi. He has money. Il a l'argent. You see white men coming. White men coming to offer you money. Les blancs viennent avec l'argent pour t'avoir. Using money to force you. Utilise l'argent pour te forcer. Don't be happy. Ne sois pas content. So I'll get some money and I'll leave. When they enter, you will be wearing pampers. You'll be wearing pads. Quand tu les suis, tu prends l'argent et puis ils pénètrent par derrière, tu vas porter des couches bébé. Because parce que the anus has rings of muscles around it that make it tight so that gas and liquid, even when there is liquid in your rectum, it doesn't easily leak out. A lot of you standing here, there's liquid there, but it can't come out. It's tight. So when you use it for sex, it breaks the muscles. Then it's always open. So anytime something comes, then it's leaking. So you need to use a pad. You need to wear pants and put the pad there to hold it. Quand tu utilises l'anus, il y a des muscles comme des bagues dans l'anus qui tiennent des liquides. Beaucoup de personnes ici, il y a des liquides qui veulent sortir, mais les muscles sont en train de retenir les liquides. Quand tu laisses cette chose pénétrer l'anus, ça fait qu'il y aura des fuites de liquides et tu vas comporter couche bébé. Tu vas porter les couches bébé. Oui. Are you listening? Yes. Est-ce que vous m'écoutez? You are free from homosexual demons in Jesus' name. Tu es libéré de tout genre d'homosexualité au nom de Jésus-Christ. And your children. Et aussi. Your children. Vos enfants. Are free from homosexuality in Jesus' name. Et vos enfants aussi, vos enfants sont libérés de l'homosexualité au nom de Jésus. Amen. Amen. Fantastic. C'est fantastique. It's going to work. Ça va marcher. Satanic entry points are blocked today in Jesus. Les points d'entrée sataniques sont bloqués à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Hey. Now, maintenant, now, maintenant, how to block demons? Comment bloquer les démons? All right, d'accord. Your loins with truth and Hallelujah. Now, how to block demons permanently? Comment bloquer les démons de manière permanente? How many want to know how to block them permanently out of your life? Combien veut savoir comment les bloquer de manière permanente de vos vies? Wow. Amen. Number one, numéro you can un, block demons tu peux les permanently tu peux bloquer les démons permanemment. With the belt of truth, avec la ceinture de vérité. Amen. Amen. Deception of any type opens the door. La tromperie de tout genre ouvre la porte. Amen. Amen. So you block them with the belt of God. Bible has given us the direct metal blocker. La Bible nous donne le fer direct qui peut bloquer. That is a shield and a protection from evil coming to your body. C'est un bouclier qui te protège de tout mal qui vient dans ton corps. Amen. Amen. So, alors, maybe it will be easier to understand what I'm saying by showing you how you can open the door for demons to come. Peut-être ça sera plus facile de vous montrer pour bien comprendre comment ouvrir une porte. It will be easier for you to understand how you can open the door for demons to come. Comment ouvrir une porte pour un démon de rentrer en toi. Number one. Numéro un. By telling lies. En disant les mensonges. So, telling lies removes the belt of truth. Quand tu dis des mensonges, ça enlève la ceinture de vérité. Anything that removes the belt of truth opens the door. Tout ce qui enlève la ceinture de vérité, to demons, ça ouvre les portes pour les in démons. Your life. Dans ta vie. Amen. Amen. So you can block devils. Alors tu peux bloquer les diables. You can open the door. Mais tu peux ouvrir les portes. To demons. Aux démons. By en deception, tromperie, and lies, et aussi les mensonges. Amen. Amen. Now, let me give you how the doors are open to devils by removing the belt of truth. Should we go outside? Is outside better than inside? Est-ce que c'est mieux d'aller dehors? Inside is better than outside. Vous aimez ici? Huh? You prefer inside to outside? Vous préférez être ici ou dehors? For some fresh air. On veut l'air frais. Okay, let's go for fresh air. We'll come back if it's not. On va sortir, avoir un peu d'air frais et puis on va revenir.